الإجابة وصفة الداعي. الإمام ابن القيم رحمه الله dans son livre La maladie et le traitement الداء والدواء dans le chapitre أوقات الإجابة وصفة الداعي, c'est-à-dire les horaires de l'exaucement des invocations et les attributs de celui qui invoque. وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر. Il dit donc l'imam al-Qayyim rahmallah, si donc c'est réuni avec l'invocation, la présence du cœur, avec le cœur qui est présent lorsque l'individu invoque et qu'il insiste, d'accord, que tout cela s'est réuni et que en plus et qu'il invoque pendant un des six temps de l'exaucement, il y en a six, qui sont le dernier tiers de la nuit, lors de l'appel à la prière, entre l'appel à la prière et l'iqama, c'est-à-dire le fait d'annoncer que la prière va commencer, après les prières obligatoires, lorsque l'imam monte donc pour faire la Jumu'ah, le jour du vendredi, monte sur le minbar jusqu'à ce que la salette donc soit faite, et la dernière heure après le Asr, la dernière heure après le Asr. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبال الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صدف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مذنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. Donc les différents points ici que l'imam al-Qayyim rahimullah mentionne. Parmi les heures de l'exaucement des invocations et les attributs de celui qui invoque. Il a tout d'abord mentionné avec les six horaires qu'il y a, qui sont propices à ce que l'invocation soit exaucée. Parmi elles, donc, le dernier tiers de la nuit, lors de l'appel à la prière, entre l'appel à la prière et l'annonce que la prière va commencer, après les prières obligatoires, lorsque l'imam monte sur le minbar, le jour du vendredi, jusqu'à ce que la salat soit accomplie, ce jour de vendredi, et le sixième, la dernière heure après le Asr. Donc ça, ce sont les horaires. Et que l'individu, le croyant, a réuni avec son invocation la présence du cœur. Il a réuni la crainte pieuse dans le cœur, le fait qu'il invoque Allah avec humilité, crainte pieuse, avec douceur, en direction de la Qibla, il fait cela en direction de la Qibla, et qu'il est en état d'ablution, et qu'il a levé ses mains vers Allah, et qu'il a commencé ses invocations en mentionnant les louanges d'Allah et en mentionnant les noms et attributs d'Allah le Très-Haut, et qu'il a aussi invoqué Allah, que les éloges d'Allah et son salut soit sur Muhammad, son serviteur et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a commencé son invocation. Donc il n'a pas directement commencé en mentionnant donc son besoin, ce qu'il souhaite, d'accord. Donc il a commencé, donc il a déjà tout ça, la présence du cœur, la crainte pieuse, l'humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il invoque Allah Azza wa Jal avec humilité, d'accord, crainte pieuse, avec douceur, d'accord, et il a la présence du cœur pendant qu'il est en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, d'accord, et que il a mentionné les plus beaux noms et attributs d'Allah le Très-Haut, et qu'il a dit que les éloges d'Allah, il a fait le salam sur le prophète Mohammed, que les éloges d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed, serviteur et envoyé d'Allah, et qu'il a commencé ensuite, juste après cela, en se repentant, avec la repentance, en se repentant envers Allah, en demandant à Allah de lui pardonner. Puis il se met, après avoir fait cela, d'accord, et que bien sûr, et il est dans l'une de ces horaires qu'on a mentionné, de ces horaires propices à l'exaucement des invocations, et après avoir fait cela, eh bien, il se met à insister en demandant à Allah, il demande à Allah avec insistance, d'accord, dans ce qu'il souhaite, et en invoquant Allah Azza wa Jal par ses plus beaux noms et attributs, et bien sûr en mentionnant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, que seul Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, que seul lui peut faire ce qu'il veut. Et en plus de cela, qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi donné en sadaqa, il a aussi donné en aumône. Il invoque Allah, donc il a fait de bonnes œuvres. Il invoque Allah, il a la présence du cœur, le khushu, avec humilité. Il mentionne Allah avec ses plus beaux noms et attributs. Il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Et qu'il se met à se repentir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, à demander à Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Et il invoque Allah Azza wa Jal, il dit en mentionnant les noms et attributs en fonction de sa demande. Par exemple, pour le rizq, il dit « Ya Razzaq Urzuqni » par exemple, d'accord. Et en plus, donc il fait ces bonnes œuvres-là, et qu'il l'a fait en plus pendant les horaires propices à l'exaucement, avec les conditions qu'on avait eues préalablement. Le fait de ne pas manger, bien sûr, de l'illicite, de ne pas boire de l'illicite, de ne pas prendre des choses illicites, de ne pas invoquer pour rompre des liens de parenté ou pour de l'animosité, eh bien, il a réuni les conditions pour que son invocation soit exaucée. Et bien sûr, il ne doit pas s'empresser dans la réponse à son invocation. Et il doit continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala.